Alors bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle émission du podcast Auto. Luc Desormeaux au micro, j'espère que ça va bien. Émission cette semaine du 13 janvier 2015, c'est, je ne sais pas si vous êtes aussi excités que moi, c'est la semaine du Salon de l'Auto. C'est mon petit bonbon à chaque année du mois de janvier et j'aurai le plaisir d'être là jeudi à la journée média, faire le tour, voir les dévoilements et tout ça, puis je vais vous en parler sur le podcast de la semaine prochaine, puis aussi dans un article sur Kijiji qui va sortir également la semaine prochaine. Avec moi pour parler du Salon de l'Auto, nul autre que le porte-parole de ce salon depuis déjà plusieurs années. Vous l'avez déjà entendu sur l'émission il y a quelques semaines, c'est Bertrand Godin. Salut Bertrand. Salut Luc. Ça va bien? Oui, ça va bien. Hey, un énorme merci de prendre ton temps pour venir parler du salon avec nous. C'est très, très apprécié. Je sais que tu es un gars occupé, surtout dans ce temps ici, vu que tu es le porte-parole. Ça doit être assez demandant, des meetings et tout ça, j'imagine. Oui, ben oui, des réunions aussi, quand même, un carnet d'entrevues assez chargé. On sent que le salon, c'est populaire, puis que les gens veulent en parler, puis je pense que quand on est amoureux de l'automobile, ben, faut le dire, c'est notre véritable Noël. Ouais, c'est ça, c'est une passion, puis le mois de janvier, c'est intéressant, il y a le salon de Détroit, qui est en cours en ce moment, où il y a plein de lancements, puis on s'entend que c'est énorme à comparer de notre salon à nous. Mais le Salon de Montréal, c'est un beau salon. C'est un salon qui est le fun à visiter. C'est un salon où, des fois, on a des choses même qui n'ont pas nécessairement ailleurs. Moi, je trouve que c'est un salon qui est super intéressant à visiter. C'est pas trop grand, c'est bien fait. Puis, moi, c'est une place que j'adore aller à chaque année. Je me rince l'œil sur l'automobile. Il y a plein d'affaires vraiment intéressantes à chaque année. Puis, cette année, même Tesla va être là, qui est une première. Bon, je sais, le monde de Québec a dit non, nous autres, on les a eu, salon de l'année passée. Ouais, mais à Montréal, c'est une première. Okay? Arrêtez de vous péter les bretelles. Nous autres, on n'a pas eu Tesla. Ils ont ouvert un gros magasin à Tesla à Montréal. Donc, mais cette année, ils vont être au salon. Mais si on parle de toi, c'est quoi le travail d'un porte-parole? C'est quoi ton rôle à part, tu sais, aller, c'est sûr, ton rôle, c'est de venir comme ici et ailleurs, parler du salon. Mais c'est quoi que ça implique être porte-parole? Écoute, c'est sûr que ça implique d'être disponible pendant toute la période du salon, ce qui pour moi représente quasiment des vacances. Là, faut pas le dire fort parce que ils vont dire, hey, il prend ça plus comme une vacance que. Mais c'est quand même demandant parce que bon, c'est certain que vu que le carnet d'entrevue est très grand, eh bien, et souvent extrêmement serré. Je vous dire que des fois, entre un média et un autre, là, c'est des fois quelques secondes, donc faut être quand même avec un bon sens du chronomètre, ouais. C'est certain. Mais je veux dire, d'être encadré par une équipe tellement expérimentée, tellement humain, c'est des gens tellement humains, on est une famille, je pense qu'on peut le considérer vraiment comme ça, surtout que bon, pour moi c'est mon premier salon, c'était en 2001. Et moi je me souviens quand j'avais accepté le rôle, je m'étais dit ah ben ça va être pour une année, deux ans et finalement ben ça fait 14 salons en tout. Je suis toujours surpris année après année de revenir comme porte-parole. Parce que pour moi, tu dois faire un bon job. Comment? Tu dois faire une bonne job. Ben, en tout cas, je suis heureux de faire ça. Et je pense que ça se ressent et ils le sentent aussi que je les apprécie beaucoup. Donc, pour moi, ben, c'est pour ça. Puis en même temps, regarde, c'est la fête de l'automobile. Moi, j'aime les gens. Puis d'être avec, de parler du salon, d'être au salon, rencontrer les amateurs d'auto, que chacun me parle de leurs besoins particuliers et d'avoir quand même la chance de pouvoir échanger avec eux sur un choix qui est important parce qu'on le sait, c'est la deuxième plus grosse dépense après une maison. Ouais. Donc, c'est quand même un beau privilège. Ouais, non, c'est sûr, c'est vraiment intéressant. Puis oui, je t'ai vu l'année passée, j'étais allé, je pense que je t'avais rencontré, tu étais au lancement de la Mustang avec Michel Barrette, oui, c'est pas là. Oui, oui. C'est là que je t'avais rencontré, puis on avait jasé un peu, puis pas que j'avais été surpris de comment sympathique t'étais, mais je t'avais dit bonjour, on avait commencé à jaser comme ça, puis c'était comme si on se connaissait, t'es un gars qui est hyper sympathique, qui va jaser, puis tout ça, puis ça m'a un peu surpris, parce que tu vas rencontrer du monde des fois qui sont, t'sais, connus, puis ça va être froid ou ça va être comme ça. Toi, t'avais commencé à parler, puis c'était comme, tu sais, j'avais comme resté surpris de comment t'étais, t'sais, volubile, puis comment t'étais, on pourrait dire friendly, mais tu sais, t'étais gentil, c'était comme, je te dérangeais pas. Je t'avais posé une question, puis on avait jasé un peu jusqu'à temps que quelqu'un s'interpose, puis là, ben, fallait bouger parce qu'il y avait des photos à prendre ça, mais c'était vraiment, tu sais, j'avais juste comme resté surpris, puis je m'aperçois en jase, tu sais, ça fait une couple de fois qu'on se parle que tu sais, t'es comme ça, puis c'est super le fun de rencontrer des gens qui sont hyper sympathiques, puis sont quand même connus. Parce que j'ai vu l'envers de la médaille aussi, que c'est vraiment différent. Mais puis je t'avais vu l'année passée aussi au salon. Tu étais là, tu fais ta présentation le matin au début aux médias et tout ça, puis t'as toujours l'air souriant, enjoué. C'est le fun d'avoir un porte-parole qui a l'air vraiment aussi passionné que le monde qui vont voir ça. T'sais, dans certains domaines, des fois, ils s'engagent un porte-parole, puis c'est juste parce qu'une personne connue, il aime pas nécessairement le sujet dont il va parler pour ça. Des fois, c'est juste pour avoir une face avec un grand nom qui va attirer du monde, mais dans ton cas, tu sais, t'es un passionné de voiture, t'es sympathique, t'aimes ça en plus, fait que c'est un super bon fit, comme on pourrait dire, c'est un match parfait. Fait que je trouve ça le fun qu'il te garde comme ça. Puis en blaguant, c'est l'année passée quand on s'est croisé justement aux choses de la Mustang, on riait parce que tu disais, tu sais, ouais, mais à chaque année, il change de président, mais au moins le monde reconnaisse le porte-parole parce que ça fait une Ah oui. stabilité dans patente, tu sais. Je suis content d'être porte-parole et non pas président. C'est ouais, parce que tu serais président, ça ferait longtemps qu'il t'aurait éclairé, tu serais pas revenu. Bon, si on parle du salon en tant que tel, bon, ça se rouvre le 16, ça se rouvre vendredi pour le public. Le 15, c'est la journée média avec, bon, les lancements et tout ça. À quoi qu'on peut s'attendre cette année? Bon, et c'est sûr, le lancement média, c'est différent. On met les toiles et tout ça, on retire, on a des choses comme ça. Qu'est-ce que les gens peuvent s'attendre à voir cette année au salon? Qu'est-ce qui va les intéresser? Je sais, Marc, t'es supposé être ici pour nous parler des essais coup de cœur. J'imagine que tu peux nous en parler aussi parce que t'es porte-parole, t'es au courant. Il était supposé ici de nous en parler parce qui était dans le processus de création de cette espèce d'essai-là. Mais Marc revient du salon de Détroit, puis il est pris dans le trafic présentement. Marc, je t'en veux pas, là. Il y a les essais coup de cœur. C'est quoi ça au juste, les essais coup de cœur, si on commence par ça? C'est justement, c'est en partenariat avec autogo.ca Un petit site comme ça, un petit site obscur sur la voiture. Et ce qu'ils ont fait, j'ai trouvé ça vraiment génial parce que l'équipe du salon a mis en place un concours Facebook où les gens, premièrement, les manufacturiers se sont inscrits pour participer à ces essais-là parce que non seulement on va pouvoir voir au-delà de 500 véhicules au Palais des Congrès, mais on va pouvoir en essayer. Et le choix a été sélectionné par le public, par le concours Facebook. Donc, on a quand même la Ford Mustang 2015 que les gens vont pouvoir essayer. C'est quand même pas pire. C'est quand même intéressant. Le GMC Terrain 2015 qui a été sélectionné. On a la Lexus NXF Sport 2015, la Mazda CX-5. On a le Buick Encore, la Cadillac ATS, le Toyota RAV4, la Mercedes-Benz GLA. La Volt a été sélectionnée ainsi que la Nissan Murano et la Sion FRS. Donc, c'est une belle gamme et puis je pense que il va y avoir pas mal d'inscriptions là, justement au kiosque Autogo pour ces essais. Donc, si les gens veulent essayer ça, ils font quoi? Ils arrivent au salon avec, bon, là, faut qu'ils achètent leur billet, ils rentrent à l'intérieur, il y a le kiosque d'Autogo. Puis là, Marc va les attendre avec un papier et un crayon. Puis il va dire, signe ici, puis qu'est-ce que tu veux essayer? C'est un peu comme ça marche, là. Ça sera pas Marc, là. C'est Mais. ça. Mais il y a un accompagnateur avec naturellement le visiteur qui va faire l'essai. Donc, c'est assez simple. Donc, dès que vous allez arriver au salon, vous allez avoir les indications justement pour se rendre au kiosque. OK, là on s'inscrit puis on attend notre tour pour aller essayer la voiture de notre choix ou les voitures de notre choix, j'imagine. Oui, exactement. OK. De toute façon, il va avoir un horaire, hein, parce que on est quand même limité au niveau du temps. On peut faire que je sais pas le nombre d'essais par jour là, que c'est possible, Ouais. mais inscrivez-vous, arrivez tôt pour pouvoir justement essayer la voiture de votre choix. OK, puis espérer que la personne qui conduit avant vous est pas un piètre conducteur. Oui, c'est ça. Juste comme ça. Mais la Mustang, moi, je vous dis, mettez votre nom sur la liste pour la Mustang. Il y a beaucoup, beaucoup de journalistes qui l'ont même pas encore roulé, cette auto-là. Fait que vous allez pouvoir être dans les premiers. Parce qu'ils sont quand même assez rares. Puis les flottes de presse sont pas friands de mettre des voitures comme ça avec des pneus d'hiver pour qu'on les essaye. Fait que c'est une bonne place pour aller. Pour aller les essayer, puis je pense que les Mustangs, il va en avoir plus qu'une, là. Fait que ça va, il va pouvoir avoir plus qu'une personne qui va pouvoir en essayer en même temps. Il me semble, j'ai vu par Ford sur Facebook qu'il y en avait plus oui. qu'une. Oui, habituellement, on met quand même une petite flotte. C'est ça. Fait que ça va être assez intéressant. Donc, allez vous inscrire, vous allez pouvoir essayer les voitures que Bertrand a nommées. Puis, il y en a une couple de pas pire là-dedans. La Volt, j'imagine, ça va être celle de l'année passée. On n'aura pas une 2015. Ouais, on n'aura pas une 2016. Ils viennent de la présenter à Détroit. Ça me surprendrait qu'il y en ait. J'ai vu qu'on fait une cure d'amaigrissement quand même. Ils l'ont allégé, la Volt. J'ai bien hâte de voir ses performances, son autonomie, surtout dans des conditions aussi froides. OK, ici, ouais, c'est ça. L'hiver, moi, le problème avec la Volt, c'est que quand il fait froid, le moteur à essence va démarrer pour réchauffer le système puis garder les batteries puis tout ça à bonne température. Fait que souvent, l'hiver, tu peux pas faire de 0 litre au 100 km, ce que tu peux faire l'été, automne, printemps. Fait que c'est un peu le seul problème. Là, il annonce 80 km d'autonomie. J'ai hâte de voir ce que ça va donner dans la vraie vie. Parce qu'avec une Volt 2015, moi, j'ai réussi à faire presque 75 km sur une charge. Puis GM dit 65. Fait qu'ils ont l'air d'être un peu pessimistes dans le chiffre, juste exprès pour que les gens puissent atteindre un peu plus haut. Oui. Mais oui, c'est juste le style de la Volt qui, je trouve qu'ils l'ont, ils ont vraiment adouci les lignes, peut-être même un peu trop. J'aimais beaucoup l'ancien look. Ça avait l'air au moins d'une voiture un peu différente. Là, c'est juste, ça a l'air comme trop générique. Mais avec un cinquième siège à l'intérieur, des affaires comme ça, ça va peut-être se vendre encore mieux. C'est une excellente voiture. C'est super à conduire, mais c'est juste, je sais pas, ça va être le look. Mais la voir en personne, c'est différent que de la voir en photo. Ah, ça, c'est certain. Fait que j'avais pas trippé sa nouvelle Mustang non plus quand je l'ai vu en photo. Mais quand je l'ai vu en personne, je me demandais s'il fallait que je signe. Pour en avoir une. C'est pour ça que d'aller dans un salon comme ça, hein, comme on dit, c'est encore plus que du 3D. Ouais. Ouais, c'est, puis l'avantage, c'est que c'est une place où, OK, tu magasines pour une Nissan, tu magasines pour une Honda, tu magasines pour une Mazda, ben, ils sont tous à la même place. T'as pas 3-4 garages à faire qui, tu sais, si t'es chanceux, des fois tu vis dans une grosse ville, puis les garages sont tous un en face de l'autre ou un à côté de l'autre, mais des fois t'es dans une plus petite ville, puis faut que tu conduises 3-4 km entre chaque garage. Là, tu peux aller visiter, tu peux aller voir chaque kiosque de chaque constructeur, t'asseoir dans la voiture, puis ramasser de la documentation sans nécessairement aussi te faire achaler aux 5 secondes pour voir si tu veux signer tout de suite. Puis des fois, il y a des. Si tu décides de signer au salon aussi, des fois, tu peux avoir un bon prix, puis des affaires comme ça. Des fois, il y a des choses à faire au salon aussi. C'est une super place pour aller magasiner. Les voitures sont propres, ah ben oui. sont tout le temps nettoyées. Il y a des gens qui nettoient assez fréquemment. Donc, c'est ça. Donc, on parle de... Est-ce que tous les constructeurs sont là? Est-ce qu'il y en a qui ont boudé cette année ou on a vraiment tout le monde qu'on a habituellement? On est très fiers. On a Alfa Romeo qui est là. Donc, ça, c'est dans les voitures exotiques, là, on va en avoir toute une gamme. Toutes les voitures exotiques sont là, que ce soit Alfa Romeo, Aston Martin, Bentley, Ferrari, Lamborghini, Lotus, Maserati, Porsche, Royce. Ça va être vraiment intéressant. On a aussi la zone performance qui revient. OK. Mais je pense qu'est-ce qui va attirer beaucoup l'attention, c'est les voitures concept, les prototypes. On a 3 premières nord-américaines. 42 premières canadiennes. C'est ça qui est intéressant du Salon de l'Auto de Montréal, c'est qu'on est quand même bien situé au niveau de l'époque des salons, parce que, ouais. Bon, oui, on a eu quand même Los Angeles, on a Détroit, mais dans les salons canadiens, bien c'est Montréal là, qui vraiment a la pôle pour pouvoir présenter autant de premières. Ouais, on est le premier de l'année, fait que souvent, c'est pour ça que vous voyez tant de premières canadiennes, parce qu'on est le premier salon au Canada pour l'année. Puis souvent, les constructeurs vont venir présenter leurs choses ici. Fait que le salon a une bonne réputation. Fait que les constructeurs amènent leurs voitures, ils les présentent. Des lancements. L'année passée, j'avais resté hyper surpris de voir que Ford amenait même une Mustang à Montréal, parce qu'on sait qu'elle avait été lancée à Détroit, puis c'était le gros lancement-là. Mais qu'ils prennent le temps d'en apporter une à Montréal, puis de nous faire un lancement en bonne et due forme, là. Vraiment la voiture cachée avec une vidéo qui passait, puis à un moment donné, on lâche la toile, la voiture est là. C'était vraiment comme à Détroit, là. Ils ont fait ça en grand l'année passée. Fait que c'est le fun de voir que certains constructeurs traitent le salon de Montréal comme il devrait être, qui est un grand salon. Fait que ça, je trouve ça vraiment le fun. Si on parle de première, je sais qu'il y a des choses sous embargo, mais si on parle de première, est-ce qu'il y a des choses qu'on sait qui vont être présentées puis qu'on peut parler d'eux, ou c'est toutes des choses qu'on attend au 15 pour que ça soit dévoilé? Ben, on a quand même un modèle chez Hyundai qui est sous embargo. Ouais. On peut pas en parler. Non. Par contre, on va avoir la chance de voir la Mazda 2. Ça c'est intéressant, ça. Ça c'est vraiment intéressant. Ça, j'ai vraiment hâte de la voir. Je l'ai vue en photo. Elle semble vraiment magnifique. Et je pense que ça va être vraiment intéressant. On a la Subaru aussi qui présente une voiture concept qui est une première nord-américaine. Donc ça, j'ai hâte de les voir. Moi, ce que j'ai hâte de voir aussi, c'est notre voiture mascotte de cette année, c'est-à-dire la Magnum MK5. OK. La Magnum, garde, j'ai pas eu la chance de la voir encore. Je connais bien Bruno parce que, bon, la communauté de pilotes de course, on est quand même... On se suit à distance, là. J'ai vu quand même Bruno évoluer... autant en course que comme son père, comme fabricant. Mm-hmm. Et puis le design de cette voiture là est vraiment intéressant, puis surtout la philosophie dans laquelle il a décidé de construire son bolide, c'est-à-dire vraiment dans l'état d'esprit un peu de Colin Chapman avec la Lotus 7, c'est-à-dire une voiture très légère, petit moteur. On a misé beaucoup sur l'agilité de la voiture. Une voiture qui est fabriquée seulement à 20 exemplaires par année, mais qui va vous permettre autant d'aller sur un circuit que d'aller vous promener, vous balader sur la route. Parce que bon, on a quand même réussi à l'homologuer là pour la route, compte tenu du fait que c'est une faible production. Mm-hmm. Ça va être vraiment intéressant. En tout cas, ce que j'ai entendu de Bruno, de sa bouche même, et d'avoir lu quand même certains essais, paraît-il que la voiture, elle est d'une finesse et d'une qualité de fabrication exemplaire. Mais j'imagine, si ça vient d'un pilote de course, il doit savoir un peu comment une voiture devrait se comporter sur une piste. Fait que souvent, c'est les bonnes personnes à demander, ou même quand ils se lancent dans une aventure, de créer une voiture. Normalement, c'est rare que ça donne quelque chose qui se comporte mal sur la piste, là. Ils savent comment tweaker ça un peu, puis comment s'arranger pour que ça prenne des virages, puis que ça soit normalement assez rapide. Ouais, mais c'est ça, c'est parce que, prends par exemple, Bruno a quand même piloté en Formule Atlantique, a même fait des essais en Formule 3000, donc il connaît très bien là ce que c'est qu'une voiture là qui a un rapport poids-puissance exceptionnel. Prenez par exemple la 3000, elle faisait 1500 livres pour 550 chevaux. Donc là, on a, je pense, c'est 1200 livres pour la Magnum là, pour autour de 250 chevaux. Donc c'est un peu moins, mais Bruno, ce qui s'est assuré, c'est de faire une voiture aussi qui était facile à piloter, là. Une voiture qui vous donne des sensations, qui peut faire en sorte que vous allez la placer où vous voulez, quand vous voulez. Et ça, c'est pas pour rien, oui. Puis c'est un bon point. Quand un pilote de course s'y met pour pouvoir justement concevoir une voiture, eh ben ça donne toujours un résultat où on a le sourire quand on démarre le moteur, puis quand on enclenche la première vitesse. Ouais, c'est ça. Puis c'est le fun aussi si c'est bien balancé, parce qu'il y a beaucoup de voitures ultra sportives qui on dirait que le but de la voiture, c'est de te tuer. Ça veut dire que si tu l'échappes, t'sais, ou si tu fais une petite erreur de pilotage, t'es parti, là, c'est le champ assuré. Tandis que si il l'a créé pour qu'elle se contrôle bien, puis qu'elle soit stable, puis tout ça, ça va peut-être être une voiture qui va être moins dangereuse pour le pilote ou la personne qui se prend pour un pilote de fin de semaine. Fait que c'est un peu ça. Donc j'ai hâte de voir ça aussi. J'imagine qu'elle va être présentée jeudi, puis les gens vont pouvoir la voir pendant la durée du salon complet. Oui. Fait que ça, on c'est encore séparé par section. On a la zone performance. On va avoir la zone avec les voitures de luxe, Ferrari et tout ça. J'imagine qu'ils sont. Non, maintenant, il n'y a plus vraiment de zone au niveau des voitures de luxe. On les retrouve dans leur kiosque respectif. Donc, ben, je trouve ça quand même intéressant. La zone performance, oui, on va la retrouver tout au même endroit. Prends par exemple là, la zone performance, on va la retrouver au niveau 5. Les essais routiers, ben, au niveau 2, naturellement. La voiture WOW, la MK5 au niveau 5. C'est ça. Donc, c'est vraiment dans les kiosques de chacun des manufacturiers là, qu'on va pouvoir vraiment se délecter visuellement de ces bolides. Il y en a des belles. Est-ce que McLaren est là cette année? McLaren n'est pas sur la liste. OK. Au niveau ça, McLaren, on les a eu un an. Oui, l'année passée, ou deux ans, ouais, il avait apporté la MP, la MP4. C'est la MP4, Ouais, c'est ça. En tout cas, les autres, leur nom avec les chiffres et les lettres mélangées. Là. Mais la 4C, c'est pas la 4C, la 4C, c'est une Alfa Romeo. Mais en tout cas, c'est ça. Celle-là, pas la P1, mais l'autre, le petit modèle le moins cher. Là. C'est ça. Fait que, ouais, c'est ça. Fait qu'eux autres ne reviennent pas nécessairement cette année, mais vous allez pouvoir avoir Lamborghini, Ferrari, Maserati, puis toutes ces belles voitures-là. Aston Martin, moi, à chaque fois que je passe en avant du kiosque d'Aston Martin, j'ai une petite larme. Je sais que je pourrais jamais m'en payer une, mais ils sont tellement magnifiques. La Vanquish l'année passée, j'ai comme une petite émotion quand j'ai passé à côté. C'est des magnifiques voitures. Ça permet de rêver. Mais tu sais, faut pas être compulsif puis avoir les poches trop profondes parce qu'on sortirait de là probablement cassé. Mais sinon, on va avoir les constructeurs normaux aussi. Là. Ah ben oui, puis bon, faut pas se le cacher, hein. Le salon de l'auto, c'est fait pour faire des choix quand même logiques pour l'obtention d'un véhicule futur, mais c'est aussi fait pour rêver. Moi, je me souviens, quand j'étais gamin, j'allais au salon de l'auto, puis je m'installais devant, à l'époque, c'était la Lotus Esprit Turbo. Pour moi, là, c'était la voiture. Il y avait la Pantera aussi de Tommaso qui était là. Et je faisais juste rêver à ces voitures-là, les Porsche, les Ferrari. Donc, j'imagine que plusieurs personnes qui vont au salon pour rêver. Et puis ça, c'est de bonne guerre, comme on dit. Oui, c'est un peu les deux. C'est comme, on va là, quand c'est une bonne place à aller quand on veut se magasiner une voiture, parce que ça nous évite de faire plusieurs arrêts. Puis des fois, aussi, ça va vous permettre d'avoir un modèle auquel vous n'aviez pas pensé. Tu sais, vous allez vous dire, bon, ben moi, je me magasine, je sais pas, une sous-compacte, puis là, vous en allez... Vous dites, ah, OK, mais je vais aller voir chez Honda, je vais aller voir chez Nissan, je vais aller voir chez Mazda. Puis là, tout d'un coup, vous passez dans le kiosque de Chevrolet, puis vous tombez en amour avec une Spark, mettons. Puis tu sonnes même, là, tu sais. Ou vous tombez en amour avec une Fiesta, ou vous tombez en amour avec une Fiat 500. Tu sais, quelque chose que vous aviez pas pensé parce que c'est pas un constructeur que vous regardiez, des choses comme ça. Puis tout d'un coup, vous allez voir ça, puis c'est comme, ah, OK. Ou vous cherchez un intermédiaire, puis... T'sais, là, tout le monde va toujours vers à peu près les mêmes. Puis là, vous rentrez chez Chrysler. Ouais, là, vous voyez la nouvelle Chrysler 2 ans. Moi, qui est une voiture qui m'a vraiment impressionné quand je l'ai essayé. Là. Mais bon, vous voyez celle-là. Puis tout d'un coup, ben vous tombez en amour avec elle. Puis c'est avec ça que finalement, vous allez décider d'aller avec. Fait que des fois, ça va vous permettre d'avoir des choses que vous n'auriez pas été voir dans un concessionnaire. Parce que souvent, on va se donner une liste. Bon, ben, pas le goût de faire 4-5 concessionnaires me trouver une auto. Là. On va se faire une liste de bon 3 autos, mettons. Là, puis on va aller voir ceux-là, puis on va prendre la meilleure des 3. Mais le salon de l'auto, ça vous permet de toutes les voir à une place, au chaud. Hein? Pas nécessairement avoir à sortir dehors pour aller voir une auto. Sont en dedans. Vous pouvez vous asseoir dedans, sont propres. Puis vous ne vous faites pas achaler non plus à pu finir. Signez ici monsieur, signez ici monsieur, signez ici monsieur ou madame. Fait que c'est une place vraiment intéressante. Puis Vous avez rencontré plein de passionnés. Une année, j'étais retourné. J'avais été au lancement média, puis j'étais retourné pendant la semaine aux journées ouvertes par le public, payer mon billet, tout, puis rentrer. Puis un moment donné, j'avais commencé à parler de Mustang avec un gars dans le kiosque de Ford parce qu'on tripait tous les deux Mustang, puis on a commencé à jaser, puis à échanger. Puis lui venait de s'en commander une V6, puis il avait fait supercharger, puis la patente, quelque chose de super rare, là. Normalement, le monde font turbo, font installe des superchargers ou des compresseurs volumétriques sur des V8. Lui, il l'avait fait sur son V6. Puis je dis, regarde, garde-la parce que ça va être quelque chose de hyper rare dans une couple d'années. Le monde, normalement, font pas ça. Fait que tu vas rencontrer des passionnés du monde qui, des fois, en connaissent plus que vous, des fois, vous en connaissez plus qu'eux autres. Vous allez échanger, puis c'est super le fun. Puis, je veux dire, il y a toujours plein d'affaires, des surprises. Vous voulez teinter vos vitres. Vous allez avoir des compagnies qui sont là, qui font ça. Il n'y a pas juste des voitures, il y a aussi des kiosques de autres. C'est toujours comme ça cette année. On va avoir des gens qui sont là pour offrir des services puis des produits, j'imagine aussi. Ah ben oui, tout à fait. Donc, c'est vraiment complet. On a quoi, 70 exposants en tout. Donc, c'est quand même considérable là, quand on regarde, il y a 32. Ben finalement, c'est 32 marques, là, 500 modèles. C'est quand même gigantesque, hein, parce qu'on Oh, parle quand même de 365 000 pieds carrés. Donc, c'est pourquoi là, vraiment, ça en fait un salon où vous allez pouvoir passer plusieurs heures en famille aussi, et ça, c'est intéressant. Pour 16 $, okay, pour les enfants de 6 à 12 ans, ben, accompagnés d'un adulte, c'est 6 $, ça vaut la peine. Et là, je vous donne un truc, okay? Au lieu de faire la file au guichet, vous pouvez acheter vos billets en ligne. Ouais. Okay? Et ça, allez sur salonautomontréal.com. Vous allez voir, c'est vraiment avantageux. Vous allez éviter quand même des longues files d'attente. Okay? Parce que c'est vrai que le salon est quand même extrêmement populaire. Puis des fois, faut s'armer de patience, mais on a des alternatives, puis ça, c'en est une. Ouais, c'est vrai. Moi, quand j'étais allé, j'avais acheté mes billets en ligne. T'es imprimes toi-même, t'arrives Oui. là-bas, la personne les scanne à l'entrée et t'es en dedans dans le temps de le dire. Tandis que si t'as pas tes billets, mais là, tu passes au guichet. Puis quand j'étais passé, moi, avec mes billets dans mes mains, puis j'étais passé à côté du guichet, j'avais un petit sourire. Parce que je me disais, ben moi, je rentre là. Vous autres, la file était assez longue. Puis c'était pas nécessairement une fin de semaine, là. Non, les gens aiment ça, les gens y vont. Fait que oui, prenez le temps d'aller sur le site du salon, imprimez vos billets vous-même, arrivez là-bas, puis c'est tout. Puis même souvent, si vous planifiez y aller un peu à l'avance, regardez, parce que souvent, des fois, il y a des promotions, des fois, avant une telle date, vous allez sauver une coupe de dollars sur les billets. Si vous en achetez une coupe, des fois, ça vaut la peine. Il y a encore la garderie qu'il y a cette année, la garderie qu'il y a. Oui, la halte est là. La halte de garderie est toujours extrêmement populaire. C'est certain, il y en a plusieurs qui font un bon bout du salon avec les enfants. Puis après ça, les enfants commencent à en avoir un peu leur voyage. Donc, on peut les emmener à la garderie et puis là, ben, ils vont s'amuser. Il y a toutes sortes de jeux vraiment intéressants. Ouais. Et puis aussi, qu'est-ce qui va être intéressant cette année, et ça, j'ai trouvé ça vraiment génial, c'est-à-dire, juste pour rire, et le Salon de l'Auto, on fait front commun, puis ils ont développé un spectacle d'humour avec Michel Barrette qui s'appelle « Juste une affaire de gars ». C'est présenté le mercredi 21 janvier à 20 h au Théâtre Saint-Denis. Donc, il va y avoir plusieurs artistes invités là, qui ont confirmé leur présence, là, comme Réal Bellan, Alain Dumas, Mario Jean, Sylvain Larocque, Maxime Martin, là, pour nommer que ceux-là. Et puis, ça va être vraiment intéressant, je pense que autant pour les gars que pour les filles. Ouais, ben c'est ceux qui connaissent un peu Michel Barrette, qui avait été invité par Ford l'année passée au lancement de la Mustang, puis il avait parlé de son expérience avec la Mustang. C'est un gars de char, là. Ah, vraiment, C'est vraiment. Il aime la voiture. notre Jay Leno. Oui, ben, tout à fait. Puis c'est un gars qui aime partager. Il aime partager l'histoire de la voiture. Pour lui, la voiture, c'est beaucoup plus qu'un paquet de tôle, là. C'est vraiment. Il y a une âme dans chaque voiture et Michel, est capable vraiment d'en parler et de la faire ressortir, cette âme-là. Donc, c'est pour ça là, que ça va être vraiment intéressant. J'ai hâte de voir le spectacle. Ouais, sinon, ben, c'est un gars hyper sympathique. Il y a aussi d'autres choses. Il y a des kiosques de la Sûreté du Québec, sur avoir les informations, tout ça. Normalement, la Sûreté du Québec est toujours là. Devrait avoir aussi le circuit électrique pour les voitures électriques, des choses comme ça. Encore là, c'est une place. La voiture électrique est super populaire. Ces temps-ci, les gens regardent beaucoup. Un peu moins là parce que le prix de l'essence a descendu. Mais juste comme ça, là, puis c'est juste en nous autres. Ça va remonter. Ah Fait que, tu sais, si vous allez au salon de l'auto, vous vous dites, le gaz est pas cher cette année, c'est le temps de m'acheter le gros VUS avec le V8 dedans qui boit. C'est. qui boit moins qu'il buvait, par Qui exemple. boit quand même moins qu'il buvait, mais qui boit quand même pas mal. Oui. Fiez-vous pas sur le prix du gaz aujourd'hui, OK? Non. Magasinez-vous quelque chose d'un petit peu plus éco-énergétique parce que ça va remonter. Ce n'est qu'une passe. Fait que c'est ça. Regardez. Je dis toujours que quand vient le temps de choisir une voiture, c'est important de faire une bonne liste de vos besoins. Ouais. Et peut-être quelques items où vous pouvez dire, ça, c'est des caprices. Mais bon, brûler de l'essence juste pour brûler de l'essence, ça, c'est un caprice. C'est plus qu'un caprice, là. C'est pas vraiment pas une nécessité. Non, ça coûte cher à la longue. Mais c'est ça. Puis t'as raison quand tu dis ça de planifier ses besoins. Parce que c'est beau de se magasiner une voiture pour aujourd'hui, mais pensez aussi qu'une voiture, vous voulez la changer quand? La changer au bout de 2 ans, 3 ans, location ou achat? Allez-vous la garder 8 ans, 10 ans? Si vous voulez la voir pendant 10 ans, êtes-vous célibataire ou en couple? Pensez-vous avoir des enfants d'ici à ce temps-là? Faut penser à ça aussi un peu parce qu'une voiture, comme tu disais en début d'émission, c'est le deuxième achat le plus important qu'on va faire. Une maison, c'est la première, mais la voiture, c'est quelque chose qui va avoir besoin d'être aussi pratique aujourd'hui qu'elle va l'être dans peut-être 5 ans, dépendant si votre vie familiale change un peu. Puis c'est quand même un bon investissement, là. Il y a pas de voiture à 5 000 $, là. On parle toujours de 10 000 en montant, puis une voiture un peu équipée, on parle de 20, 30 000, 40 000 en montant. Fait que c'est quand même un bon investissement. C'est bon de prendre peut-être une petite soirée, s'asseoir avec votre amoureuse ou votre amoureux, puis dire, bon, ben, qu'est-ce qu'on a vraiment besoin? Puis est-ce que ça va encore être ça qu'on va avoir besoin dans 2, 3, 4 ans? Puis peut-être planifier 2, 3 ans à l'avance, voir ce que vos besoins vont être aussi rendus là. Parce que c'est quand même un achat considérable. Considérable. Et c'est un bon point que tu soulèves parce que les gens, c'est facile de. Le coup de cœur, là, c'est très émotif. Hein? Quand on rentre dans un salon, on se laisse embarquer par l'émotion Oh oui. et on en perd un peu la raison. Et c'est pour ça, là, que c'est important de revenir sur la terre. Des fois, en tout cas, dans mon cas, avec ma femme, c'est toujours bien parce qu'elle m'amène les deux pieds sur terre. Elle te ramène. Oui, Ouais, et c'est pour ça. Tu sais, vous parlais tout à l'heure de tomber en amour là, avec une voiture. Emmenez votre femme, emmenez votre conjointe pour faire en sorte justement là, d'avoir une contre-opinion. C'est toujours bon. quelqu'un qui va vous ramener sur Terre parce que Oui, oui, oui, oui est belle la Z4, oui est belle la Porsche Boxster, mais si vous avez 3 enfants, c'est peut-être pas oui. ce que vous avez besoin aujourd'hui. Non, non, vous allez la trouver peut-être un peu moins belle après quelques semaines. Ouais, c'est ça. Parce que à date, à moins que les lois aient changé, c'est pas légal de mettre des enfants dans le coffre en arrière. Non. Donc, c'est ça. Fait que vérifiez vos besoins. À part de ça, y a-t-il d'autres choses? Y a-t-il des choses qu'on a oubliées? Comme je disais, le circuit électrique va être là. C'est le temps d'aller voir des voitures électriques, voir c'est quoi, comment ça fonctionne, poser des questions. Faites attention, c'est pas tous les vendeurs qui connaissent ça. Souvent, dans les salons, ils vont mettre les gens qui connaissent plus ça, donc vous allez peut-être avoir des meilleures réponses à vos questions. C'est encore nébuleux un peu la voiture électrique pour beaucoup de. Ben, elle est tellement toujours en évolution et puis la réalité de la voiture électrique change semaine après semaine. On voit juste qu'est-ce que justement les modifications qu'on a apportées aux batteries, à la structure, même au moteur électrique. Si on parle par exemple de la Volt, Ouais. c'est des choses qui vont faire en sorte que bon. Oui, on va avoir plus de rendement, plus de performance, plus de tout, et ça va répondre peut-être à une gamme plus large au niveau de la population, éventuellement. Quoique, bon, quand on regarde Tesla avec son autonomie, c'est fabuleux. Ouais. Mais là, maintenant, des constructeurs veulent aussi aller chercher cette part du marché. Ça s'en vient. Chevrolet a annoncé une voiture à 300 km d'autonomie au Salon de Détroit. Nissan, ça s'en vient. Fait que la voiture électrique, si vous cherchez ça, vous pensez que c'est pas correct pour vous présentement, ben peut-être attendez une autre année. Peut-être un autre 2 ans avant de changer de voiture si votre voiture fait l'affaire. D'ici 2017, il va y avoir une panoplie de voitures électriques avec 200-300 km d'autonomie sur le marché. Ils s'en vont tous vers là. C'est la prochaine étape. Là, on est à 160 pour tout le monde. D'ici 2 ans, ça va être à peu près 300, peut-être plus. Nissan avait l'air à dire 400, mais eux autres sont sur le cycle japonais pour les tests. C'est pas vraiment la même affaire que nous autres. Ça va peut-être être plus vers 300, mais que ça rentre ici. Mais ça évolue, ça aussi. Mais c'est une bonne place pour aller voir, ramasser de l'information. Faites juste aller faire un tour. C'est une belle place pour aller prendre une marche, aller voir des voitures une journée au chaud à l'intérieur quand il fait moins 1000 à l'extérieur. C'est super intéressant. Y a-t-il des choses qu'on a oubliées qui pourraient intéresser les gens? Oui, il y a la collecte de sang là, qui va avoir lieu du lundi au vendredi, c'est-à-dire du 19 au 23 janvier. C'est à la grande place du complexe des Jardins. Présentez-vous entre 10h30 et 19h. Donc ça, c'est justement une collecte qui est toujours extrêmement populaire. Mm-hmm. Et en même temps, lorsque vous donnez du sang, eh bien, on va vous donner un billet d'entrée pour le salon. Hein? On fait on va pour une bonne cause, puis on reçoit un cadeau, puis on peut aller voir le salon de l'auto gratuit sur le bras. Ça vaut la peine. C'est quand même pas super. Puis en même temps, vous allez aider quelqu'un qui va être moins chanceux de vous puis qui a besoin d'une transfusion sanguine. C'est super. C'est vrai, j'avais vu, mais j'avais oublié d'en parler. Donc, très intéressant au complexe des Jardins. À part de ça, pour la visite du salon, on a-tu pas mal passé à travers tout ça? Regardez, si vous voulez avoir encore plus d'informations, allez sur le site internet salonautomontréal.com. Vous allez avoir toute l'information, vous allez avoir aussi des petits conseils justement pour pouvoir acquérir les billets. Et puis en même temps, ben faut rappeler que le Palais des Congrès, hein, ben, on peut y aller facilement en métro aussi. C'est pensez-y, ça vaut à peine et vous allez passer vraiment, mais vraiment du bon temps. Oui, ouais, c'est le fun à visiter. Puis oui, c'est quand même facile d'accès. Le Palais des Congrès, c'est assez. Il y a une couple de stations de métro, pas trop loin. Vous pouvez prendre une petite marche dehors si vous voulez plus loin, mais c'est bien situé. Donc sur les billets, on parle, c'est 16$. Puis c'est du 16 au 25 janvier, donc de vendredi de cette semaine au dimanche de la semaine prochaine. Puis on a-tu les heures d'ouverture? Ben écoutez, ça rouvre à 9h, c'est de 10h à 21h30. OK. À tous les jours, sauf la dernière journée là, où ça va fermer à 19h. Bon, et voilà. Donc, vous n'avez pas de raison de ne pas y aller. C'est juste 16$, c'est ouvert en masse longtemps. Puis planifiez-vous une bonne, soit votre avant-midi, soit votre après-midi. Là. Si vous prenez un peu votre temps, puis vous allez voir une couple d'affaires, là, vous pouvez passer facilement une demi-journée là. Et, dans mon cas, souvent plus. Parce que si on arrête, on regarde tout, on s'informe, on prend notre temps, là. Vous pouvez passer la journée là si vous voulez. Y a rien qui vous empêche de monter jusqu'en haut, puis redescendre voir ce qui vous intéressait par après. C'est super intéressant. Bertrand, merci beaucoup. Merci, Luc. Ça a été super intéressant de t'avoir encore une fois. J'ai hâte de visiter le salon ce jeudi. Puis pour les auditeurs, ben on va en parler. Là, on fait un spécial pré-salon. Puis la semaine prochaine, ben, je vais faire un spécial post-salon. Je vais vous dire ce qu'on a vu, ce qui est intéressant. Si je vois des choses vraiment qui ressortent, ben, je vais vous le mentionner. Comme ça, si vous voulez y aller la dernière fin de semaine ou vers la fin de la semaine, parce que l'émission sort le mercredi, ben je vais vous donner quelques pointeurs de choses à aller voir qui m'ont intéressé. Bertrand, si les gens veulent te rejoindre, comment est-ce qu'ils peuvent faire ça? Twitter ou quelque chose comme ça? Twitter, je suis plus Facebook. Okay. Mais on peut me rejoindre sur Facebook, ça c'est une possibilité. Durant la période du salon, ben je vais y aller moi à tous les jours, ça c'est certain. Donc ça va me faire plaisir si vous me croisez, venez me jaser, venez me parler de vos coups de cœur, de ce qui vous intéresse, ce que vous aimeriez avoir aussi. Et ça c'est toujours très très très instructif et intéressant de pouvoir échanger. Oui, parce que si vous avez le choix, si vous voyez le président se promener dans les allées, puis aller lui demander « L'année prochaine, j'aimerais ça voir ça », allez voir Bertrand à place. Parce que Bertrand va être encore là l'année prochaine. Puis le président, probablement pas. Je blague, on serait pas là, mais juste de On même. sait pas. Fallait que je la pousse comme ça. Allez. Donc, si moi, vous voulez me rejoindre, ben, sur Twitter, @Calazormo, il y a le site du podcast auto qui est podcastauto.ca. Il y a le compte du podcast auto à podcast auto sur Twitter. On a un compte Facebook, podcast auto aussi. Puis vous pouvez me lire à chaque semaine sur Kijiji à frkijijiblog.ca dans la section véhicule. Cette semaine, je parle du salon de Détroit. Puis la semaine prochaine, je vais parler du salon de Montréal. Donc, merci de nous avoir écoutés. Puis là-dessus, ben, je vous dis à la semaine prochaine, tout le monde. Bye!